le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que l'année qui débute vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 Boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, au 418-679-1605. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est situé au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. C'est la revue de l'année avec notre ami Frédéric Degg de la presse canadienne. Salut Fred! Salut Danny! Fred, on va parler des Alouettes de Montréal. C'était une année où on ne savait pas qu'elle allait avoir une année, puis finalement, il y a eu une année, saison de 14 matchs. Saison écourtée, c'est déjà mieux que 2020 où la Ligue avait décidé là, d'annuler ses activités. Une décision qui reste à ce jour incompréhensible pour la plupart des gens qui suivent de près ou de loin la Ligue canadienne. Là. C'est la seule Ligue professionnelle nord-américaine qui n'a pas été capable de tenir un calendrier, peu importe son format. Absolument, ça part d'en haut et cette décision-là a fait mal à la Ligue. Il y a retarder des projets comme le projet d'expansion à Halifax, qui est pas mort, mais qui, évidemment, quand ta ligue joue pas, c'est pas le temps d'aller parler d'expansion à tes neuf équipes en congé. Alors, c'est un projet là qui, au lieu peut-être de voir le jour l'an prochain ou dans deux ans, ça commence à être, on parle d'un horizon peut-être plus de 3 à 5 ans à ce moment-là, si c'est pas plus, malheureusement, mais selon ce que j'ai pu glaner à gauche et à droite, le projet est toujours bien vivant là, d'une 10e équipe dans les Maritimes. Ben, il en faut une parce qu'il faut balancer aussi 5-5 dans l'Ouest, là. 5-5 dans l'Est, 5 dans l'Est, 5 dans l'Ouest. Donc, c'est ça. Ben, à un moment donné, là, c'est nécessaire là, parce que c'est. Puis la règle du croisement aussi, là, ça pouvait être éliminé avec l'arrivée de ce calendrier balancé. Ça serait l'idéal, mais bon, ça, c'est un autre sujet, une chose à la fois, la Ligue canadienne, ça avance pas vite, alors on va lui laisser le temps de passer. De toute façon, avec ce qu'on vit présentement, on est obligé de se demander qu'est-ce qui va arriver avec le calendrier 2022. Là, on a publié un calendrier de 18 matchs, mais qui sait quand est-ce qu'on va sortir là, du dernier marasme dans lequel on vient d'être plongé. Ben, c'est ça. Comment t'as trouvé la saison? Décevante. Je m'attendais à beaucoup plus. Je vais être honnête avec toi. Je m'attendais à ce que les Alouettes, avec ce qu'on avait vu en 2019, avec la chimie qui semblait s'installer entre Vernon Adams-Fils et ses receveurs, un groupe qui était de retour presque au complet. Moi, je m'attendais à une saison de 10-4, voire 9-5. On a des matchs qu'on a échappés. J'ai pas l'impression que les Alouettes ont été battus souvent cette saison. J'ai plus l'impression qu'ils se sont battus régulièrement cette saison. Deux matchs, là, tout de suite, là, juste à vue de nez comme ça. Là, le dernier match de la saison contre Ottawa, il n'y a absolument aucune raison que tu échappes ça. Et puis le match contre Saskatchewan, là, où celui-là, c'est sur la faute de Carey Jones, là, quand il va d'un bas des cours alors qu'il reste encore 2 minutes à jouer puis que ta défense jouait tout un match. Tu sais, 2 minutes dans la Ligue canadienne, là, c'est une éternité. Pourquoi tu t'envoies pas le ballon à Saskatchewan et tu laisses pas faire ce que ta défense a bien fait toute la saison, c'est-à-dire arrêter l'équipe adverse? Tu sais, si tu récupères le ballon avec 1 minute 15, là, puis t'as le temps encore de traverser le terrain dans la Ligue canadienne. En tout cas, alors ces deux matchs-là, tu sais, en le mêlé du côté des victoires, ben t'es déjà rendu à 9-5 au lieu de 7-7. Tu sais, t'es pas loin du 10-4 que j'entrevoyais au début de la saison. Alors, ça a été une saison décevante. C'est certain que si tu regardes ça de l'autre côté, tu te dis, écoute, l'équipe a eu 3 quarts par temps. Comment tu veux espérer une fiche gagnante quand t'as 3 quarts par temps? Ça aussi, en quelque sorte, c'est un élément qu'on n'avait pas, tu sais, qu'on n'évaluait pas au début d'année. On était certain que c'était l'équipe d'Adams du début à la fin. Malheureusement, sa blessure à l'épaule gauche qui est venue déjouer les plans des Alouettes. Mais même avant qu'il se blesse, ouais, non, les Alouettes avaient... Vernon Adams connaissait une saison coup-ci, coup-ça aussi. Là, ah, très en deçà des attentes. Des attentes, ça c'est clair. Écoute, on a parlé de sa faculté mentale à un moment donné, qu'il avait peut-être des problèmes de gérer le match. C'est toutes des affaires qui est arrivée, ça là. Ses lectures n'étaient pas aussi aiguisées qu'en 2019, on va le dire comme ça. J'aime beaucoup Adams. C'est un corps qui apporte beaucoup parce que c'est un corps qui peut à la fois passer et courir. Puis on sait que dans la Ligue canadienne, courir pour un corps, c'est important. Ouais. Alors ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est un corps qui a les deux aspects. Sauf que quand on a vu Harris à la fin de la saison, on a vu la vitesse à laquelle les ballons sortaient de son bras et la vélocité de ses passes. On était une petite coche en haut de Vernon Adams. Ouais. Et peut-être qu'Adams n'aura jamais la vélocité d'un Trevor Harris, mais je pense qu'Adams devra apprendre à se défaire du ballon plus rapidement. On revient aux lectures de jeu, c'est d'effectuer des meilleures lectures. Peut-être que ça viendra avec l'expérience, c'est à souhaiter pour les Alouettes, parce que on n'est pas en train de dire que Vernon Adams est un mauvais corps arrière. De loin de là, c'est d'après moi, de loin le meilleur depuis Anthony Calvillo qui est passé dans cette équipe-là. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait non plus et qu'il n'y a pas des choses à travailler. Ça demeure un jeune corps dans cette ligue-là. OK. Fred, si tu permets, on va faire une pause. Puis après ça, je vais parler de qu'est-ce que tu prévois pour 2022, c'est-à-dire, ça passe vite quand même. C'est oui. Écoute la rétrospective des Alouettes de Montréal sur les ondes de... L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année. Et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. On est de retour à danazosport.com avec la rétrospective des Alouettes de Montréal. Fred, j'avais oublié quelque chose. Je veux parler de la conférence de presse de fin de saison. J'ai pas eu la chance de parler avec Danny Mitchell, mais je l'ai dit à Luc Brodeur-Jourdain, par exemple. Je trouve ça bizarre, moi, de... Comment t'as trouvé ça, cette conférence de presse-là, après le recul, là? Tu sais que Danny Mitchell dit que Kerry Jones a manqué de tact, a manqué de discipline. Puis là, on dit des affaires qui se sont passées, des joueurs qui se sont arrivés en retard. Luc Brodeur-Jourdain sur nos ondes a dit finalement que c'était pas si pire que ça. Peu importe. Moi, ce que j'ai dit à Luc Brodeur-Jourdain, ces affaires-là n'auraient dû jamais sortir en public. Ben, disons que ça a été une conférence de presse d'où on est ressorti avec, je dirais pas plus de questions que de réponses, mais plusieurs questions. Notamment au niveau du personnel d'entraîneur, puis on a eu une réponse quelques jours plus tard quand le coordonnateur des unités spéciales, Mickey Donovan, a été congédié. Mathieu Ocha a longuement blâmé les unités spéciales pour les mauvaises pénalités qu'ils ont prises au cours de la saison. Alors, c'était évident que Donovan, là, c'était une question de temps. Et puis, ça a pris quelques jours, je pense, une semaine plus tard, il était congédié. Mais il y a aussi... tu sais, Kerry Jones n'a jamais été confirmé dans son poste. Il ne lui reste qu'une saison de contrat à Kerry Jones. Ouais. Et On a c'est demandé. Pas l'homme de Danny Machocha en passant? Non, Jones était là avant que Machocha arrive en poste, ouais. T'as raison. Et puis, on a demandé, nous autres, trois fois à Danny Machocha. Il y a trois journalistes différents qui ont demandé à Danny si et il est en mesure de confirmer le retour de Kerry Jones et du personnel d'entraîneur. Et puis, il ne l'a jamais confirmé. Il a dit qu'il souhaitait que tout le monde soit de retour. Évidemment, pas dans le cas de Donovan, on l'aura compris quelques jours plus tard. Mais il n'y a rien qui a été confirmé. Je te dirais là, que entre nous, là, les journalistes du Beat à Montréal qui couvront les Alouettes, ce que ça a l'air, là, c'est que Jones va être là au moins jusqu'à la première pause, parce que dans une saison de 18 matchs, il y aura trois pauses là, pour les Alouettes. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive à la première pause avec une fiche de 2 et 3, par exemple. Je ne suis pas certain qu'il y survivrait. Il faudra aussi que Jones, et ça au niveau de la discipline, ça effectivement, il y a des éléments qui sont sortis là, que c'était la première fois qu'on en entendait ouais, mais parler. Oui, mais aurais-tu... C'est sûr que t'aurais dû dire ça en privé. Je sais pas, je pose la question. Ben, sûrement que ça a été dit en privé, mais que Machocha, là, après le match à Hamilton, là, la défaite en match éliminatoire, là, il fulminait. Là, il était. Il n'y a personne au sein des Alouettes qui s'attendait à être éliminé au premier tour éliminatoire. Je te dirais même là, qu'il n'y a personne chez les Alouettes qui pensait au début de l'année qu'ils auraient besoin de jouer ce match-là. On se voyait déjà en finale de l'Est, on se voyait gagner la section Est. Et participer au moins à la finale de la Coupe Grey. C'était clairement ça l'objectif de la direction des Alouettes. Et puis, Machocha a senti le besoin de mettre de la pression publiquement sur son entraîneur. Alors, c'est à dire à quel point c'est un irritant pour lui. Okay. Alors, il va vraiment falloir que Jones, qui est reconnu comme un joueur qui est très près de ses... un entraîneur qui est très près de ses joueurs, il va falloir qu'il serre la vis et qu'il montre qu'il soit un peu plus sévère avec les membres de son équipe l'année prochaine. Au niveau financier, ça a été quand même une année respectable, bien circonstant. Ben, on n'a pas les chiffres exacts. Ouais. Évidemment, les Alouettes sont une compagnie privée. Là, c'est pas. Il y a des équipes dans la Ligue canadienne qui sont détenues par le public. Là, alors les chiffres sont connus. Mais au niveau des Alouettes, il faut qu'on se fie à ce que la direction nous a dit. Et Mario Cecchini, le président des Alouettes, a dressé un bilan financier plutôt intéressant. C'est certain que c'est probablement pas un bilan positif au niveau des chiffres absolus. Mais on a décidé cette saison chez les Alouettes d'arrêter de donner des billets. Alors, tous les spectateurs qui nous ont été annoncés avaient payé leurs billets, ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne administration. Ouais. Et avec les chiffres qu'on a eus, une moyenne d'un peu plus de 13 000 spectateurs cette saison, comparativement à une moyenne de plus de 17 000 en 2019, avec les hausses que le président nous a présentées au niveau des abonnements saisonniers et des walk-ins qu'on appelle, là, des achats à l'unité les jours de match, bien, ça veut dire qu'on devait donner autour de 4-5 000 billets par match chez les Alouettes avant. Mm. Alors, tu sais, un peu comme les Panthers de la Floride faisaient auparavant. Ouais. Puis qu'à un moment donné, on a décidé d'arrêter de faire, puis qu'on a dit, on s'est dit, si on a 7 000 spectateurs, mais on va au moins avoir 7 000 spectateurs qui payent. Et puis, c'est le chemin que les Alouettes ont décidé d'emprunter. Heureusement pour eux, ils partaient moins loin que les Panthers de la Floride au hockey. Je pense que les Alouettes sont plus populaires à Montréal que les Panthers le sont en Floride. Les Alouettes ont toujours été populaires. C'est juste une question. Oui. C'est juste une question que. C'est une question de performance. À un moment donné, ça fait. Ben, c'était mal administré, puis c'était mal géré sur le terrain aussi. J'ai fait une entrevue avec Larry Smith, puis une grande entrevue là, du temps des fêtes, là, un peu comme le 91-9. Puis on a fait un tour. Puis tu sais, c'était cyclique, les Alouettes. Hein. Quand on regarde ça, là, c'était très, très. Dans leur histoire, là, ils ont eu des mauvaises administrations, des mauvaises organisations, des mauvais. Et là, c'est ça. Fait que. Puis là, finalement, ben, je pense qu'on est bien parti. Hey Fred, c'est une entrevue qu'on devait faire avant les fêtes là-dessus. Puis on n'a pas eu le temps. Je sais que je t'ai mis au courant. Tu n'avais pas entendu parler. Mais faut qu'on s'en parle. Les Canadiens de football songeraient, parce qu'il y a eu des pertes financières énormes. Les Canadiens de football songeraient à passer ou vont étudier la possibilité de passer un 4 et 5. Je ne veux pas dire qu'ils vont le faire, mais ils vont regarder de ça. Toi, comment tu trouves ça? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. La Ligue canadienne de football a plus de 100 ans. Et pendant toutes ces années-là, elle s'est bâtie une clientèle sur sa différence. Oui, c'est du football, mais c'est pas c'est pas la même stratégie. Avoir 3 essais puis 4 essais, c'est un monde de différence au niveau des cahiers de jeu. Moi, je pense que ce serait une grave erreur. Je pense que la Ligue devrait beaucoup plus envisager d'abord ajouter le plus rapidement possible sa 10e formation dans l'Est là, pour Québec, passer un calendrier équilibré. Mais Québec, il n'y a pas d'intérêt à Québec. Ouais, je sais, mais c'est un marché intéressant. Hein? Bien avant de penser, c'est sûr que ça serait un marché intéressant, mais là, si tu implantes une équipe dans les Maritimes, je pense que si jamais on voulait implanter une équipe à Québec, ça serait lié avec une 6e équipe dans l'Ouest aussi. Puis il y a de la place dans l'Ouest pour ajouter une autre équipe, cela dit. L'affaire, c'est les investisseurs, parce qu'on ne se met pas riche avec une équipe de la CFL. Là. Ça ne coûte pas le même prix, on s'entend, mais ce n'est pas la même chose qu'une équipe de la NFL. On ne fait pas d'argent aussi vite. Mais moi, là, si la Ligue songe à changer quelque chose, moi, c'est son calendrier que je changerais. Il n'y a aucune raison que cette Ligue-là commence à Saint-Jean-Baptiste puis se termine habituellement à la fin novembre. Pour passer la moitié de sa saison en compétition avec la NFL. Ça n'a pas de bon. Puis avec le hockey de la Ligue nationale qui commence ses activités fin septembre, début octobre, pourquoi pas commencer ça? Pourquoi pas commencer les camps d'entraînement au mois d'avril puis que la saison commence au mois de mai? Si tu gagnes 7 semaines puis que tu finis ta saison au début octobre, tu sais, les premières semaines de hockey, là, la Coupe Grey est capable de faire compétition à ça. Mais, tu sais, moi je pense que c'est là qu'on devrait regarder bien plus que d'installer un 4e essai puis de devenir une pâle, très, très pâle comparaison avec la NFL. Parce que là, au moins, on peut se dire que c'est du football, mais c'est pas la même chose. Ben, on peut connaître du succès dans la CFL puis pas dans la NFL. Fred, l'image, là, je vais te donner on l'a très bien dit, ils se sont bâtis sur la différence. Si tu passes aux 4 essais, tu passes avec les mêmes règles que la NFL, tu vas être vu comme une ligue mineure. Ben, exactement. Est-ce que les gens de la NFL, qui aiment la NFL, qui trippent NFL, vont commencer à écouter la Ligue canadienne? C'est pas le 4e essai qui fait que les gens qui sont fans de la NFL... Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas ça. Les gens qui regardent la CFL, c'est parce qu'ils aiment le football canadien. Ouais. Et ça n'empêche pas d'aimer le football de la NFL non plus, là. Mais ça veut pas dire, par exemple, que si tu mets un 4e essai, que là, automatiquement, ceux qui regardent la NFL vont se mettre à regarder la CFL. Ça, moi, je crois pas à ça. C'est un produit distinct. C'est un produit intéressant. Là. Écoute, il y a des super athlètes dans cette ligue-là. Là. On n'en a pas parlé, mais Eugene Lewis et Jake Winicky, c'est deux receveurs élites. William Stenback à Montréal. Écoute, Anthony Calvillo qu'on a eu, qui est un des meilleurs de l'histoire, toutes ligues confondues au niveau. Ouais. Je sais qu'il ne joue pas contre les mêmes demi-défensifs qu'un quart dans la NFL puis qu'il ne fait pas affaire à la même pression des joueurs de ligne, Avec ce qui lui a été donné, là, ça a été le meilleur de la CFL. Et tous ceux-là qui sont arrivés du football américain, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs qui ont regardé ça avec de haut, ils se sont pratiquement tous plantés. Ben effectivement, c'est un jeu différent. C'est un jeu différent. Ça se ressemble, mais c'est un jeu différent qui a ses défauts, mais qui a aussi beaucoup de qualités puis qui offre du très bon spectacle. Là, puis non seulement ça, là, c'est que as-tu le goût de voir moins de passes dans la Ligue canadienne? C'est une ligue qui est reconnue pour ça, pour ses jeux, pour ses passes spectaculaires, puis la dimension de son terrain, puis son 12e joueur qui permet les joueurs en mouvement. Il y a plein d'éléments qui distinguent la Ligue canadienne de la NFL. Puis ça serait de dénaturer son caractère intrinsèque. Moi, je trouve que c'est une idée ridicule. On verra ce que les gouverneurs de la Ligue vont décider, mais moi, je pense que ce serait de se tirer dans le... Je parlais avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Je ne sais pas si c'est son nom, t'as dit peut-être... Oui, je connais Patrick. OK, puis lui, il me disait... Parce que lui, il a la vision de l'Ouest canadien. Là. Jamais... Ça passera jamais dans l'Ouest canadien. T'sais, les assises du football canadien sont où? Sont en Alberta, par Saskatchewan. Puis lui, mais t'es arrivé avec un autre point. T'as des très, très, très bonnes idées, Fred, concernant le calendrier. Mais un autre point majeur qui est important, qui n'est pas parlé, là, que Patrick m'est emmené. Savais-tu que sur le téléphone, c'est très dur? La Ligue canadienne a essayé de trouver quelque chose sur le téléphone. C'est compliqué, l'application est compliquée. C'est des gens, leur membership, leur fanbase est très, très âgé, semble-t-il. Il faut travailler à rajeunir les jeunes. Ben, puis ça, c'est un excellent point que Patrick amène parce que. Pardon? Oh, oui, c'est un très bon point que Patrick amène parce que c'est évident que le marché de la CFL. Il est un peu plus tête grise, là, je dirais pas tête blanche. Mais oui, si on peut rajeunir le fanbase à des gens dans la vingtaine, la trentaine. Ils vendent les Alouettes avaient essayé de le faire il y a quelques années. Là. Je te dis pas que c'était l'idée du siècle, mais on vendait des billets pour des demi-matchs parce qu'on disait les gens sortent plus tard des bureaux centrales. Ça n'a pas marché, là. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'angles, plein d'idées peut-être à explorer, à essayer, à mettre en place qui pourraient renouveler la clientèle. Puis je pense pas, de toutes ces idées-là, je pense que de mettre un quatrième essai, ça devrait être la dernière. Et le ratio canadien? Ben, le ratio canadien, je pense que ça, c'est important de le protéger parce qu'à un moment donné... Puis ça s'est amélioré beaucoup. Tu sais, on n'est plus dans le football canadien, exactement. Le football canadien s'est grandement amélioré au cours des 20-25 dernières années. On a des programmes juste au Québec. On a parmi deux des meilleurs programmes universitaires au pays. T'as encore des gros programmes comme Western, comme Calgary, puis d'autres universités là, que j'oublie, là, mais l'Université de la Saskatchewan qui était en finale de la Coupe Vanier cette année. Tu sais, il y a des gros programmes. Et puis, ces gens-là profitent aussi. Tu regardes, là, il y a plusieurs anciens joueurs de la CFL maintenant là, qui dirigent ces programmes-là. Alors, tu sais, t'as des gars d'expérience, Gary. Parce que Fleury a joué pour les Alouettes longtemps. Ben pour les Alouettes, exactement. Et l'entraîneur de l'équipe de la Saskatchewan, je pense que je suis pas la Ligue universitaire. Parce qu'à un moment donné, ça fait trop de sport. Là. Ça fait beaucoup trop de sport. Non, ben c'est ça. C'est Fleury qui est à la tête de l'équipe. Du programme de l'Université de la Saskatchewan. Et puis, malheureusement, ils ont perdu en finale de la Coupe Vanier contre les Mustangs de Western. Ouais. Mais tu sais, il a amené son club en finale, pareil, là, je veux dire, c'est pas rien. Et puis, tu regardes André Bolduc, là, qui est le bras droit de Kerry Jones. Lui, il a parti le programme à l'Université de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Alors, tu sais, ces programmes universitaires-là bénéficient de ce ratio canadien-là, en quelque part. Moi, je pense que c'est là pour rester. Puis, écoute, ça fait partie du défi de directeur général dans la Ligue canadienne de football. Il faut que tu trouves des bons talents canadiens parce que la Ligue canadienne a décidé de promouvoir le football canadien, ce qui est très bien. Puis ça donne, à un moment donné, qu'est-ce que ça donne d'aller jouer au football universitaire à part que de jouer au football si tu n'as pas d'espoir de percer dans le professionnel après? Ouais. Je pense que ça fait partie de l'équation là, de tout. Tout le développement du football au Canada, cet objectif que tu peux jouer dans la Ligue canadienne. Je te félicite, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai entendue. D'être la Ligue du printemps, peut-être qu'il n'y a pas. Moi, je suis convaincu que ça marcherait. Ben, au moins, on va passer d'avril. Aucune réalité. Bravo, mais ça à dire. Je comprends pas que c'est pas exploré. C'est pas en passant à 4 et 5 que tu vas. Puis, tu sais, justement, le printemps, c'est plus tranquille qu'à l'automne. Dans l'offre sportive, il est plus tranquille. La preuve, j'ai le temps de suivre la Formule 1 l'été, mais j'ai pas le temps de suivre le printemps, mais j'ai pas le temps de suivre la Formule 1 l'automne parce qu'il y a trop de sport. À un moment donné, une journée, c'est 24 heures. Et l'offre au printemps est beaucoup plus. Fin printemps, début été, est beaucoup moins là qu'à l'automne, où ce que la Ligue canadienne joue. Là. Ben, il reste les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ça, je comprends que ça attire beaucoup au Canada. La NBA, mais je pense pas qu'au Canada, peut-être, Raptors, c'est un obstacle. Il y a le Raptors, mais ça touche pas tout le monde. Puis t'as le baseball qui est pas... qui est en début de saison. Là, t'as même pas passé le match des étoiles à ce moment-là. Je sais pas. Écoute, ça fait... C'est une idée que j'ai adoptée, là, je vais être bien honnête. Moi, le premier qui m'a parlé de ça, c'est Miguel Bugeaud qui couvre les activités de la Ligue pour la presse, qui trouve que ça viendrait un peu prendre la place de toutes les ligues américaines qu'on voit qui essayent de s'installer au printemps. Ben, aussi. USFL, t'en as déjà une ligue bien établie, qui fonctionne bien, qui connaît du succès. Puis là, ça lui permettrait, tu sais, de... parce qu'il y a un vide, là. Écoute, tu sais, peut-être qu'on verrait des matchs de la CFL sur le NFL Network. À ce moment-là, il se passe ESPN, rien. Ben moi, je lis ESPN. Parce que je suis pas très... Puis finalement, tu sais, ça me comblerait des affaires. Tu sais, ça serait une antenne pour ESPN. La Coupe Grey était présentée sur ESPN 2 Oui, il y a des, il y a un marché pour ça. Il y a de l'intérêt pour la Ligue canadienne aux États-Unis. Alors, moi, je pense que ça pourrait accentuer peut-être l'intérêt qu'ils ont au sud de la frontière pour le football. Fred, je te souhaite de joyeuses fêtes. Bonne année. Merci beaucoup de ta collaboration. T'es vraiment gentil. T'es un vrai pro du sport. Bravo pour le plaisir de se parler en 2022. Ben merci beaucoup, Danny. De très joyeuses fêtes à toi et tes auditeurs. Puis oui, au plaisir de se parler à compter de 2022. Notre ami Frédéric Degg de la presse.